lâche pas les couilles des gays. Tu vas tirer sur les tirs froids. Tous les sauf les respects, l'honneur, la victoire. Il faut une base toi à la tente. Je suis un peuple extorqué, je suis un écorché vif. Et je veux que ce pays comprenne mes mots et les prenne au sérieux comme ceux des déportés d'Auschwitz. Tu critiques notre fric facile, mais en Afrique, c'est ta France qui gratte son pied sur les coups d'État et les génocides. Nique l'indépendance factice et les marchands d'armes en blouse blanche de l'industrie pharmaceutique. Nique les oncles Tom qui sucent l'oncle Sam. Je suis qu'un sale noir, tu sais, cet homme sage, bon qu'à gratter vos salopes avec ses nombreuses femmes. À l'odeur de sueur infâme, aux indiformes, à l'épiderme quasi cramé, car trop longtemps exposé aux flammes. 400 ans de coups de fouet dans les dorsaux, mais je pompe le torse. Je suis qu'un homme faible, pardonné, c'est au-dessus de mes forces. Vert jaune rouge sur les cuissons, star faut là ce que je vais dire. Mais je rêve de vide et mon chargeur sur un facho dans mes rêves les plus sombres. Et dis-toi bien que si je prends les armes, ce sera pas la haine pour les vôtres, mais l'amour que j'ai pour les miens qui me dictera mes actes. Ennemis, car insoumis, soldats sans trahis, trahi par ce pays, haï par les képis. Ennemis, car incompris, l'esprit affaibli. Mais à ce qu'on dit, tout ce qui ne nous tue pas nous endurcit. Ennemis, car insoumis, soldats sans trahis, trahi par ce pays, haï par les képis. Ennemis, car incompris, l'esprit affaibli. Mais laisse-moi montrer à la France que je suis un dur du prochi. J'en suis personne. Moi j'en cite personne à la haine, mais on se devait être rétorqué. On n'obtient pas le calme à coup de lacrymo dans la mosquée. J'ai de la force pour les frères comme X-Men, et ma haine est justifiable. Trop d'innocents au rejetat pour que je puisse trouver leur justice fiable. Parmi les fleurs de lys, je représente la mauvaise graine. C'est pour ma diaspora d'Afrique, des avec hell. Trigarde l'accent au dégaine. Je veux parler aux petits et leur dire de pas lâcher le school. Mais la plupart de nos diplômés ne sont que magasinés aux caissières, c'est gay. Pour serrer les rangs, frérot, pour faire face aux abus de pouvoir. Et que c'est zèle toléré par la tolérance zéro. C'est les nôtres qu'on est punk, les vrais you voient de l'Elysée n'ont rien à craindre. Car diplomatiquement immunisé, c'est un autre effet qui traîne. Comme dit Alpha 5, la France pas besoin qu'elle-même pour que je la traîne. Je fais juste Bellec à l'ADN et aux empreintes. Je dis pas que j'abuse, c'est pas tes racines qu'on piétine, ni au tien qu'on porte atteinte. Et va dire à gros DJ qu'il n'a qu'à porter plainte. Ennemis, car insoumis, soldats sans trahis, trahis par ce pays, haï par les képis. Ennemis, car incompris, l'esprit affaibli. Mais à ce qu'on dit, tout ce qui ne nous tue pas nous endurcit. Ennemis, car insoumis, soldats sans trahis, trahis par ce pays, haï par les képis. Ennemis, car incompris, l'esprit affaibli. Mais laisse-moi montrer à la France que je suis un dur du prochi. Appelle-nous tiers monde français, France d'en bas. Où qu'on zone, on s'en bat. Mon cœur s'emballe, mais Marianne comprend pas. Quand je lui en parle, viens d'en bas. Mate la souffrance, nous rend pas. À part l'honneur, il nous reste quoi? Chez nous, c'est le shit qui fait vivre, c'est pas l'espoir. Appelle-nous France d'en bas. Où qu'on zone, on s'en bat. Mon cœur s'emballe, mais Marianne comprend pas. Quand je lui en parle, viens d'en bas. Et malgré la souffrance, nous rend pas. Ils feront pas de moi une épave. Je reste brave, pas le système ne m'aura pas. Ennemis, car insoumis, soldats sans trahis, trahi par ce pays, haï par les képis. Ennemis, car incompris, l'esprit affaibli. Mais à ce qu'on dit, tout ce qui ne nous tue pas nous endurcit. Ennemis, car insoumis, soldats sans trahis, trahi par ce pays, haï par les képis. Ennemis, car incompris, l'esprit affaibli. Toi c'est la famine. Ennemis, car insoumis, 2006 pour 2007, rendez-vous en avril. Pour tous les quartiers de France, Salmon ghetto crime, Argonne gangsta, Mr. Zep, Wesh Lulu, Kamer, Narbe, Triste, Prod, Fazer à la prod, chier, toi c'est la famille, Marianne, écoute la rue, écoute ce qu'elle a à dire, écoute la rue, écoute.